propriétaire et fermier, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Propriétaire et fermier, assez riche homme. Oscar, jeune propriétaire, compte avec le vieux Mathurin, fermier d'une petite terre qu'il possède au pays chartrain. C'est vous ? Approchez, mon brave homme, vous me devez beaucoup d'argent. Vous m'en apportez ? Quelle somme ? Ah, monsieur, faut être indulgent. Par suite des intempéries, les biens sont gelés ou brûlés. Le sec a perdu les prairies et la pluie a noyé les blés. J'ai déjà fait maint sacrifice, mais enfin, que m'apportez-vous ? Je viens de remettre à l'office un canard et deux cantaloups. Mathurin, je vous remercie, mais j'ai des moyens exigus. Pardon de cette minutie. Que m'apportez-vous en écu ? Ah, monsieur, la vie est si chère. On meurt de faim, c'est affligeant. Chez nous, on ne connaît plus guère couleur d'or ni couleur d'argent. Bref, c'est toujours la même histoire. Vous n'avez rien d'autre pour moi ? Mon bon monsieur, il faut le croire, si le bon Dieu n'a plus de quoi. Mathurin, soyons de bon compte. Vous me croyez trop ingénu. Je vous le déclare sans honte. J'ai besoin de mon revenu. Dame, si monsieur voulait vendre cette ferme, il en trouverait un capital bien bon à prendre et produisant bel intérêt. Mais à voir ce que j'en retire, qui la voudrait et pour combien? Baste, on en trouverait sans rire, 10 000 écus, ce n'est pas rien. Ma foi, pour une telle somme, je vous la donne, je la prends. Qui? Vous? Mathurin, mon brave homme, voici vos 30 000 francs. Fin de Propriétaire et fermier, enregistré par Margot.